notre invitation. Car autour de nous, il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens danser avec le Party Line Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Party Line Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You make them want sunshine in them life. You them want more loving in their life. Yeah, I, them want rise. We not in a gun because we are fight by the sign. In their life, they do them want more loving in their life. Yeah, I, them want rise. We not in a gun because we are fight by the sign. Get up every day and treat we like tough. Summer we hungry while you back keep them both. Kick back and I relax while out your life tough. Babylon your skins we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go to you them. Yeah, I stand up and fight. You won't hear me, me begging and sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. Des ennuis et viens danser. Laisse de côté tout ce qui va de travers et viens danser. Car autour de nous il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens danser. Bonjour, ici Kiwan et Mathieu. Les Palmarès c'est fou et vous écoutez Les Palmarès c'est fou avec Mathieu et Kiwan. Oh non, encore un minou dans un cadre et un pierre la lune. Oh non, dis-moi pas qu'il est pas fifi. Il y a tant de fleurs séchées et de petits bibelots. Et tout est si propre et si beau que ça me donne envie de fesser. Des fantasmes de violence prennent racine dans mon âme. Désemparé, je sombre dans la démence. Oui, j'aime pas ça. Les mains de bricoles, ça fait chier. Les mains de bricoles, les murs sont pleins de tableaux peints par des artistes longs. Quand on sont si minables et grotesques avec le paysage pittoresque. On commet des belles de la région. Ça me donne envie de passer ma vie dans un trou sans fond. Oh, que c'est beau, oh, que c'est beau. Ouais, je passe en les mains de breakfast. Moi qui chante du métal, c'est trop pour mon moral de voir tous ces petits pites de tout dans des paniers. Moi je veux de la bière, de la drogue et du bruit. Je veux pas que ma tante me chicane si je rentre avec une groupie. Ou trois, quatre métalleux, ben chaud. Un moron à souhait, ils vont voler partout. Ça va être la party. Party. Party. Party. Party.